Kanyangi. François Kimana sur la mise en onde. Merci de nous rester fidèles, auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Et en voici le sommaire. Certains habitants de la 13e avenue au quartier Mirango 1 de la zone urbaine de Kamenge se plaignent qu'ils ne sont pas bien fournis en eau potable par la régie des eaux. Ils craignent d'attraper les maladies des mains sales si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Dans cette édition, on revient sur la cherté de certains produits de première nécessité. Nos reporters se sont rendus au marché de Jabé, c'est en zone urbaine de Buiza, et nous ferons le point. On se rendra également dans la localité dite Kumasanganzira dans la ville de Gitega pour parler d'un manque de courant électrique. Cela paralyse certaines activités, nous dira Gérard Niwigira dans le développement de ce titre. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Les denrées de première nécessité telles que le riz, la patate douce et autres ont été revues à la hausse au marché de Jabé, où nos reporters se sont rendus. À certains des commerçants avec lesquels ils se sont entretenus évoquent soit la rareté de ces produits, soit des moyens de transport qui leur font défaut. Ils demandent à l'État de trouver solution dans les meilleurs délais pour qu'ils puissent continuer leur travail. Une information que nous devons à Jean-Claude Niomukiza. Un kilo de riz de première qualité en province de la Tanzanie qui la semaine passée se vendait à 7 000 francs le kilo se vend aujourd'hui à 8 000. Tandis que celui communément appelé Umutanzania Wakabiri, qui se vendait entre 5 500 et 6 000, se vend actuellement à 7 000 francs. Un kilo de viande Umusoso se vend actuellement à 32 000, alors que la semaine passée, elle se vendait à 32. Un litre de l'huile de palme, qui se vendait entre 10 000 et 12 000, se vend maintenant à 13 000, tandis qu'un litre de l'huile de coton est à 22 000, alors que la semaine passée, il se vendait à 20 000. Un kilo de pommes de terre, communément appelée mauve, qui se vendait entre 1300 et 1400, se vend actuellement à 1600. Le petit pois qui se vendait à 7 000 la semaine passée, se vend aujourd'hui à 9 000. Un kilo d'oignon blanc qui se vendait à 2000, se vend actuellement à 2500, tandis que celui d'oignon rouge qui était à 2500 est actuellement à 3000. Les raisons de cette hausse des prix, telles que évoquées par certains d'entre les vendeurs avec lesquels nous nous sommes entretenus, sont la rareté de ces produits au marché et les moyens de transport qui leur font défaut. Je pense que ce prix est conditionné par les moyens de déplacement. Les chauffeurs nous expliquent que suite à la pénurie du carburant, les prix de déplacement ont été revus à la hausse, donc nous aussi nous faisons de même. L'autre facteur qui entre en jeu est la météo. Cette dernière ne nous a pas été favorable. Notre demande est la disponibilisation du carburant pour faciliter le déplacement de nos marchandises. Si le carburant manque juste 3 jours, nos fournisseurs augmentent le prix de déplacement. Il y a quelques jours, un kilo qui se vendait à 28 000 francs se trouve aujourd'hui à 35 000 francs. Ces vendeurs rencontrés au marché de Jabé demandent au gouvernement de trouver solution dans le meilleur délai pour que leurs activités ne soient paralysées. Nous demandons que le gouvernement régule le prix du carburant. Ainsi, nos fournisseurs de l'intérieur pourront stabiliser le prix de leur côté. Et nous, nous ferons de même. Même si le prix reste instable, nous ne pourrons pas accepter de travailler à perte, car nous avons des familles à nourrir. Ce que nous demandons, c'est que le carburant soit disponible pour que le transport de nos marchandises soit facile. Ainsi, le prix va être revu à la baisse. Cela étant, le 27 décembre 2024, au cours de l'émission publique, le président de la République du Burundi avait ordonné au ministre du Commerce de réguler les prix. Et certains habitants de la 13e avenue au quartier Mirango 1, c'est en zone urbaine de Kamenge, se plaignent qu'ils ne sont pas bien fournis en eau potable. Par la régie des eaux, ils indiquent qu'ils peuvent passer une semaine ou plus sans avoir de l'eau dans leur ménage et dans les robinets publics. Et cela est confirmé par une autorité locale. Tous demandent à ce que la régie des eaux trouve solution à ce problème car ils craignent d'attraper des maladies des mains sales si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Une information que nous devons à Sheila Irambona qui a été en zone urbaine de Kamenge. Arrivé dans cette localité de la zone Kamenge, on croise beaucoup de gens allant et venant puiser de l'eau, bidon et seau en main. Les deux places où il y a des robinets publics sont bondées de gens. Ces derniers témoignent que depuis quelque temps, la régie des eaux ne leur fournit pas bien en eau potable. Ils peuvent passer plus d'une semaine sans avoir aucune goutte d'eau dans leur robinet ou dans les robinets publics. Nous laisser comme ça libre pendant 5 jours, 6 jours, vraiment la vie est arrêtée. S'il y a des coupures de l'eau dans nos ménages, nous devons nous rendre à Gatunguru pour puiser de l'eau. Ou bien, nous pouvons nous approvisionner ici même sur le robinet public. Nous sommes ici depuis 4 heures du matin, mais voyez-vous, une seule personne a déjà rempli ses bidons. Ce qui est étonnant, quand tu es en train de puiser de l'eau dans un seul bidon, l'eau peut se couper 3 fois. Malheureusement, à 15 heures, l'eau va partir. Même ceux qui ont leur propre robinet dans leur ménage, 2 ou 3 semaines peuvent s'écrouler sans aucune goutte d'eau. Ils demandent l'intervention de la régie des eaux. Mes enfants sont à l'école, je n'ai pas encore cuisiné. Tu ne peux pas le faire alors que tu n'as pas d'eau. Que le gouvernement et la régie des eaux envisagent comment nous aider. Demandons à la régie des eaux de faire le minimum d'efforts pour nous fournir cette eau qui nous donne la vie au moins 3 fois par semaine ou 2 fois au minimum. Kanyamuneza Filoté, une des élus locaux, témoigne que ce problème ne se trouve pas seulement à la 13e avenue. Tout le quartier Mirango fait face à ce problème. Tout le quartier Mirango est touché. Nous avons un problème de pénurie d'eau. Que les autorités de la régie des eaux fassent tout pour que nous ayons de l'eau potable. Selon toujours ces personnes, la régie des eaux devrait hâter le pas pour trouver une solution à cette pénurie d'eau car ils craignent d'attraper des maladies de mains sales vu qu'ils avaient l'habitude de se rabattre au robinet octroyé par l'ONG internationale Amaz Water et ces derniers ne fonctionnent pas bien. Les habitants de la localité dite Kumasanganzira dans la ville de Gitega viennent de passer une semaine sans électricité et demandent aux services habilités de tout faire pour détecter et réparer une panne qui est à l'origine de ce manque d'électricité. Ceux qui exercent les activités nécessitant le courant électrique disent avoir des difficultés à nourrir leur famille et de subvenir aux besoins vitaux. Le chef d'antenne de la régie des eaux régions centre-est indique que c'est un transformateur endommagé que les procédures pour trouver un autre le remplaçant sont en cours. Les détails avec Gérard Niwigira. Pas d'électricité dans la localité dite Kumasanganzira dans la ville de Gitega et sur une partie de la colline Rutegama, limitrophe à la même ville, et cela depuis un peu plus d'une semaine. Ainsi donc, les habitants de ces endroits disent qu'ils vivent dans l'obscurité nocturne et achètent des bougies qui sont plus chères que la facture de l'électricité. À part ça, les personnes qui exercent des activités nécessitant du courant électrique signalent qu'ils ont des difficultés de nourrir leur famille et de subvenir à d'autres besoins vitaux parce que leurs activités se sont arrêtées. Et là, c'est comme les vendeurs de lait, ceux qui travaillent dans des salons de coiffure, dans des secrétariats publics, dans des studios d'enregistrement, les soudeurs, les réparateurs des appareils électroménagers et d'autres. Par exemple, un vendeur de lait rencontré sur le lieu nous a révélé qu'il doit refroidir du lait au centre-ville de Gitega et paye le service de refroidissement du lait et son déplacement. Donc, il travaille à perte, signale-t-il. Et quelqu'un rencontré dans un studio d'enregistrement momentanément fermé nous a fait savoir qu'il a des problèmes de nourrir sa famille et de subvenir à d'autres besoins vitaux, mais aussi de payer le loyer. Tous demandent alors à la régie des eaux de tout faire pour que l'électricité revienne le plus vite possible. De son côté, le chef d'antenne de la régie des eaux au centre-est du pays, Avit Nibaruta, explique que cette panne du courant électrique résulte d'un transformateur endommagé et que des procédures de trouver un autre pour le remplacer sont en cours et avancent. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons agriculture à présent. L'indisponibilité des fertilisants perturbe les préparatifs de la saison culturelle B chez les agriculteurs de différentes collines des communes Kayoko et Gisozi de leur province et Moaro. Certains disent utiliser la fumure produite localement, mais qui n'apprécient pas sur les récoltes. Et le bureau chargé de l'agriculture au niveau de la province et Moaro reconnaît l'inexistence de ces fertilisants de type urée. Toutefois, Liberanzo Kilanevie, directeur de ce bureau, tranquillise que cette substance sera utilisée dans d'autres étapes de leurs activités champêtres, notamment lors du sarclage. Le point Vekomer doit de retour de Moaro. Les cranches, ces cultivateurs des collines Gatare, commune Gisozi et Gihinga de la commune Kayokwe sont basés sur le retard d'approvisionnement en fertilisants. Alors qu'il y paie le solde en avance, Estelan Sabimana et Marina Hayo s'inquiètent. Nous n'avons pas eu à temps les fertilisants. Nous sommes passés à la commune à la recherche de ces substances enrichissant le sol. Certains ont été approvisionnés et d'autres non. Lorsque nous ne sèmons pas dans ces dernières semaines du mois de février, ce retard affecte nos récoltes. L'indisponibilité des fertilisants est un défi majeur au préparatif de la saison culturelle B. La conséquence est que la saison sèche peut commencer avant que nos cultures ne soient mûres. À la place d'engrais chimiques, ils indiquent qu'ils utilisent du fumier produit localement, qu'ils qualifient de non efficace. Nyandu Selemani pratique l'agriculture sur la colline Gihinga de la commune Kayokwe. Nous utilisons la fumure produite dans les compostières à la place d'engrais chimiques. Au niveau du bureau provincial en charge de l'agriculture à Moaro, l'on reconnaît l'absence des fertilisants dans cette province, notamment celui de type urée. Le directeur de ce bureau, Liberanzo Kiranevie, tranquillise néanmoins qu'il n'est pas encore tard. Nous avons un problème au niveau des fertilisants d'inodorité, au niveau de la réception, mais au niveau pratique, nous n'avons pas tellement de problème parce que l'urée qui n'est pas utilisée comme fumier de fond sera utilisée comme fumier de couverture. Colonel Gaspard Gassan, gouverneur de la province Moaro, lui aussi est au courant de cette question. Il indique toutefois que l'administration distribue équitablement les fertilisants selon les quantités disponibles. Les principales cultures concernées par la saison culturelle B dans la province Moaro sont notamment la pomme de terre, le haricot, le blé et autres cultures de l'alimentation de base. Les habitants des communes Manda et Gihanga, séparés par la rivière Manda, se lamentent que leurs économies ont été perturbés suite à l'écroulement du pont de la rivière Manda. Cela fait 5 mois. Ils disent qu'ils sont obligés de payer beaucoup de frais de transport pour contourner ce pont. Et Nadine Nibitang, administrateur de la commune Manda, tranquillise, expliquant que sa commune prévoit la réparation de ce pont, ce qui est même prévu dans le budget communal, dit-elle. Le pont avec Spes Caritas Kabanyana. Les habitants des communes Manda et Gihanga qui empruntent souvent la route Rubira Village 4 en traversant le pont de la rivière Manda déplorent le fait qu'ils ont des problèmes à pouvoir traverser cette rivière. Le pont s'est écroulé au mois de septembre l'année passée. Quand ils ont des marchandises ou quand les cultivateurs sont en train de récolter, ils sont obligés de dépenser beaucoup d'argent. Les porteurs les aident à transporter les bagages à travers la rivière quand ils ne peuvent pas passer sur un petit pont provisoire qui a été mis en place pour faciliter le passage en attendant que le pont soit réparé. Ils disent également que cela a perturbé les économies des habitants de la localité puisque le transport est devenu trop cher. Ce qui est également confirmé par le chef de Corinne Rubira. De son côté, Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, fait savoir que la réparation de ce pont de Manda fait partie des activités prévues dans le budget communal de cette année en cours. Spécialitas Kawanyana, Ubanza, Radio Isanganiro. Parlons encore environnement, cette fois-ci au sud du pays, en province de Bururi, où le ravinement s'observant sur les berges d'un petit cours d'eau passant dans le quartier Gisuru du chef-lieu de cette province, non loin de l'église anglicane, commence à menacer les clôtures des maisons d'habitation. Une a déjà été détruite au moment où le lit de ce ruisseau s'élargit du jour au lendemain. Les habitants de cette partie du quartier Gisuru menacés demandent l'aménagement des rives de ce cours d'eau. Et Edouard Andouaï, responsable de l'antenne provinciale de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, confirme avoir déjà transmis le rapport sur ce cas à son hiérarchie. Le point avec Zénon Nzambimana. Ce ruisseau de la source est situé dans la réserve naturelle et forestière de Bururi, se déverse d'abord dans un caniveau maçonné au quartier Gisuru du chef-lieu de la province de Bururi. Mais arrivé sur la route menant vers le quartier Gatowe, il s'est tracé en passage et se déverse entre les maisons d'habitation dans une petite vallée située non loin de l'église anglicane. À cet endroit, ce petit cours d'eau dont le lit s'élargit du jour au lendemain, suite à la tendresse de la roche en place, commence à entraîner le glissement de terrain sur ses berges. Une partie d'une clôture d'un ménage de ce quartier a été déjà démolie par un ravinement qui s'y observe déjà et d'autres 5 maisons sont également menacées comme nous l'avons nous-mêmes constaté. Certains des habitants de cette localité demandent avec insistance l'aménagement des rives de ce petit cours d'eau avant que les dégâts ne soient énormes. Edouard Ndouaï, chef d'antenne provinciale de l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction à Bururi, fait savoir qu'il a déjà transmis ce cas à son hiérarchie et attend toujours la réponse. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.